Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durus al-Madina, al-Juz al-Thani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil al-Martiniki, hafidhullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bi-Dammaj, au Yémen, cours numéro 10. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimouns. Bismillah ar-Rahim. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد comme d'habitude on va commencer par corriger les exercices du cours précédent qui était le cours 9 si je ne me trompe pas donc أولا أجيب عن الأسئلة réponds aux questions suivantes كم طالبا وجد المدرس في الفصل؟ combien d'étudiants l'enseignant trouvait combien d'étudiants dans la classe؟ المدرس وجد 15 طالبا في الفصل. ثانيا لماذا ذهب الطلاب الجدد الى المدير؟ pourquoi les nouveaux élèves sont-ils allés au directeur؟ ذهبوا لانهم ما وجدوا اسماءهم في القائمه. Non, ils ont été au directeur car ils n'ont pas trouvé leur nom dans la liste. Man khalaqana, qui nous a créé? Khalaqana Allah. Où? Khalaqana Allah. Non, fa'il. Mazjalala fa'il. Rabi'an, man khalaqa al-qamara, qui a créé la lune? Khalaqaha Allah. Hmm? Khalaqahu Allah. Aywa, khalaqahu Allah. Allah l'a créé. Khamisan, man khalaqa al-shams, qui a créé le soleil? Khalaqaha Allah. Non. من خلق النجوم qui a créé les étoiles خلقهم الله خلق خلقهم نجوم غير عاقل خلقها خلقها الله نعم جمع العاقل مفرد مؤنث سابعا مما خلق الله الانسان de quoi Allah a-t-il créé l'être humain خلقهم من طين. Il a créé de terre, d'argile. ثامنا مما خلق الله الجان. De quoi Allah a-t-il créé les djinns? خلق الله الجان من النار. نعم. Allah l'a créé de feu. كم سماء خلق الله. Allah a-t-il créé combien de cieux? Combien de cieux a-t-il Allah a créé? خلق الله سبع سماوات. نعم. Allah a créé 7 cieux. عاشرًا في كم يوم خلق الله السماوات والأرض؟ En combien de jours Allah a-t-il créé les cieux et la terre؟ خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام. نعم. طيب ثانيًا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. من قال هذا؟ Qui a dit cette parole-là؟ هذا قول إبليس. نعم. ثانيًا وَلِمَنْ à qui a-t-il dit cela لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ نعم وَمِنْ أَيْ سُورَةٍ هَذِهِ الْآيَةُ de quelle sourate est ce verset أظن أنها من سورة البقرة لا سورة صاد سورة صاد هو الأعرف ما أذكر اللي deux fois Non, ou peut-être plus, parce que là je me rappelle Al-A'raf ou Sad. Tiens, là ça n'a pas à qu'elle. Parce que c'est un verset qui se répète. Inch'Allah. Thalithan. Dho adil al-alamat al-khat amam al-jumal al-sahiha. Wa adil al-alamat al-salib amam al-jumal al-sahiha. At-tulab al-jududu. 15 les nouveaux étudiants sont 15 Abdul Rahman ma fahima ma'na thalath kalimat Abdul Rahman n'a pas compris le sens de trois mots sahih non sa'ala Faisal al mudarris ma jam al sama Faisal a interrogé le professeur quel est le pluriel de sama le ciel khata كتب المدرس الدرس على سبورتي L'enseignant a écrit le cours sur le tableau. Sahih. Non. طيب أنا أسألك مثلا أقول هذا الرجل جميل دار ما بارك كيف تقول تعجب comment tu t'exclames comment t'exprimes ton exclamation ما أجمل الرجل ما أجمل الرجل نعم صيغة التعجب كذلك كيف يكون النداء مع المضاف إليه مضاف مضاف إليه comment tu appelles une personne quelle est sa harakat lorsque c'est un مضاف مضاف إليه مثلا عبد الله comment tu l'appelles quand tu l'appelles يكون منصوب أيوة يا عبد الله أيوة وإذا كان من الأسماء الخمسة مكنية comment tu l'appelles par exemple يا أبا بكر نعم يا أبا بكر quel est le signe du nasb dans le jamu anath salim c'est quoi alamat al nasb fi al jamu anath salim comment les mansoub bil kasra bil kasra نعم حسنت il y avait quoi d'autre encore pour aujourd'hui كثير نعم تفضل الثلاثة عشر أيوة وأربعة عشر فقط ما فيها أخا قبل والخمسة عشر لا ما فيه طيب تدير من الرجل في أين هو واسي اسمه المصور لا لا لا في نعم الثلاثة عشر نعم طيب تأمل المثال ثم اكتب الجملة الآتية بعد تحويل الكلمات التي تحت أخط إلى الجموع Donc, faut changer les phrases exposées là en jam. Et là, ça se rapporte au quoi ? Au ism mawsoul, al-lazi. Tayeb, jumal oula. Mani rajoul al-lazi dakhala baytakum al-an. Qui est l'homme qui vient d'entrer dans votre maison ? Maintenant, tu changes cette phrase-là au pluriel. Man ar-rijal al-lazina dakhalu baytakum al-an. Non. Thanyan. Aina talibu al-lazi jaa ams. Où est l'étudiant qui est venu hier ? أين الطلاب الذين جاءوا أمس؟ نعم. ضربت الولد الذي ضربني. J'ai frappé l'enfant qui m'a frappé. ضربت الأولاد الذين ضربوني. نعم. تمام. رابع عشر. فلم شوف كلاس وفمينا. الطالبات التي دخلت الفصل الآن من الهند. فاس الإكزامبل. نعم. Donc il commence par Anam. Al fatatu allati 'inda al mudirati ukhtu Maryam. Donc la jeune fille qui est chez la directrice est la sœur de Maryam. Al fatayat allati 'inda al mudira akhawat Maryam. Naam. At tabibatu allati fi al mustashfa fi mustashfa al wiladati min Inkratara. Donc la médecin femme qui est dans l'hôpital de la maternité est d'Angleterre. الطابيبات التي في التي في المست في في المست في مستشفى الولادة في مستشفى الولادة من إنكنتارا نعم المرأة التي دخلت بيتنا عماتي donc la femme qui est rentrée dans ma maison dans notre maison est ma tante paternelle النساء التي دخلنا بيتنا عماتي نعم عماتي طيب خامس عشر كون جملا مستعملا الكلمات الآتية donc compose des phrases en utilisant les mots suivants رفع الطالب رفع يده نعم l'étudiant levé sa main خلق الله هو الذي خلق كل شيء كل شيء كل شيء نعم c'est Allah qui a créé toute chose عاده الطالب عاد من المدرسة نعم الطالب est revenu de l'école الجد الجد هو أبو الأم أو أبو الأم أو أبو الأب نعم le grand-père est soit le père de la mère ou le père du père مما أي سمين avec ما استفهامية عفوا مما خلق الله الإنسان طيب بما سبيح فجار avec ما استفهامية بما ذهبت إلى مكة نعم par quoi es-tu allé à Mecca par quel moyen لما qui est li حرف جار avec ما استفهامية لما ذهبت إلى مكة نعم pourquoi tu étais à Mecca. Ou amma qui est an avec ma estifhamia. Comment t'as. Amma yatahaddathoun. Non. Elle ça va trop le fil d'air, c'est al ashir. Dixième cours qui lui est relatif au fi'l mudari, le verbe au présent. Ça va être un début. Et il poursuivra dans les durous suivants jusqu'à ce que tu complètes tous les domaïr, comment que j'ai un verbe au présent. Et là, ça dit, on va un peu plus s'approfondir dans sarf. Bien que le sarf, souvent les gens, ils l'attribuent à la conjugaison en elle-même. Et comme je ne cesse de le dire aux frères, ça, c'est pas correct. Le sarf, c'est plus large que la conjugaison. On va dire plutôt que la conjugaison fait partie du sarf, et ce n'est pas le sarf qui est toute la conjugaison. Le sarf, c'est une science qui se rapporte à la transformation des mots. Il y a des choses qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas de lien avec la conjugaison, qui rentrent dans le sarf, et sont très nombreuses. Comment faire ism fa'il, ism maf'oul, sifa mushab, mubalara, et toutes ces choses-là. Voyez, tout cela se rapporte au sarf, qui est plus large que la conjugaison. Non. Voyez. Donc, anas akramek en Moussa, ou anta Zakaria. Zahaba Zakaria, liziyarati hamidin basolat el fajar. Donc Zakaria est parti visiter Hamid après la salat du Fajr. Walakinnahu ma wajadahu fil bayti fa qala li ibnihi Musa ayna abuka. Cependant, il ne l'a pas trouvé à la maison, alors il dit à son fils Moussa, où est ton père? Tu m'as dit tu fais Moussa, non? Non, bah toi fais Moussa. Dhahaba ila souqi. Non, il est parti au marché. Zakaria dit ayad dhabu li souqi kull yawmin, va-t-il au marché tous les jours? نعم يذهب دائما الى السوق بعد صلاه الفجر. Donc Moussa dit oui, il va tout le temps au souk après salat al-fajr. Et يذهب, on va lui dire يذهب, c'est le mudari de ذهب. C'est le fi'l au présent de ذهب. Il va. متى يرجع من السوق? Quand revient-il du marché? Et يرجع, c'est le mudari de رجع qui veut dire revenir. Donc là, c'est-à-dire, il revient. Non. يَرْجِعُ فِي السَّاعَةِ السَّابِعَةِ وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ. Non. Donc il dit, il revient à 7 heures, quand on dit سَابِعَة, c'est-à-dire 7 heures, وَأَحْيَانًا فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ. Et de temps à autre, أَحْيَانًا, c'est de temps en temps, vous voyez, de temps en temps, à 8 heures. فِي السَّاعَةِ الثَّامِنَةِ, qui veut dire à 8 heures. مَاذَا يَفْعَلُ فِي الْبَيْتِ. Donc Zakaria dit, qu'est-ce qu'il fait à la maison? Et Yaf'alou, c'est le mudoria de Fa'ala. Yaqra'u s-suhuf wa yasma'u l'akhbar min al-ida'at. Donc il dit, non, il lit les journaux et il écoute les informations de la radio. Yaqra'u, c'est le mudoria de Qara'a Yaqra'u. Wa yasma'u, c'est le mudoria de Sami'a Yasma'u. Il entend. Non. Zakaria yakul mata yadhhabu lil masna', quand va-t-il à l'usine? Masna', c'est usine. Yadhhabu fi sa'ati tas'ati wa nisf. Il y va à 9h30. Sa'at tas'ati c'est 9h et wa nisf ma'ruf c'est la moitié, donc c'est demi. Zakaria yakul wa mata yarji'u min hunaka, et quand revient-il de là-bas? Yarji'u fi sa'ati al-wahidati wa nisf aw thaniyati. Non. Donc il revient à 1h30 ou à 2h. Zakaria yakul. Eh yadhabu ila al-masna'i maratan ukhra ba'd adh-dhuhr. Donc il dit, est-ce qu'il va on pourrait dire plutôt retourner, mais bon. Est-ce qu'il retourne à l'usine une autre fois après dhuhr? La la yadhabu ba'd adh-dhuhr. Yajlisu huna fi maktaba fi maktabi. Fi maktabi ba'd as-salati al-'asr. Moussa dit, non, il n'y retourne pas après Dhor. Il s'assoit ici, ou là, dans son bureau, après Salat al-Asr. Non. Kam amilan ya'malu fi masna'ikum. Donc il dit, combien d'employés, amil c'est l'employé, l'ouvrier ou le travailleur, travaillent dans votre usine. Masna'una laysa bikabirin ya'malu fihi mi'atun. مئة وخمسة وعشرون عاملا ومهندسا.